Les batailles du mariage par Hector Malo. Première partie, un bon jeune homme. Chapitre 1er. Il est rare de trouver aujourd'hui dans l'ouest de la France une ville digne de ce nom qui ne soit pas desservie par un chemin de fer. Celles de ces villes que rencontrait le tracé des grandes lignes ont tout simplement profité de la bonne fortune que leur situation topographique leur donnait, tandis que celles qui n'étaient point dans cette heureuse condition ont corrigé leur mauvaise chance en créant des lignes d'intérêt local. Situé à égale distance des deux grandes lignes de Normandie et de Bretagne, Condé-le-Châtel ne pouvait être traversé ni par l'une ni par l'autre de ces lignes, et s'il voulait un chemin de fer, il devait se le donner, ou plus justement, se le payer lui-même. Mais jusqu'à ce jour, il ne l'a pas voulu. Et cependant, la ville possède une certaine importance commerciale, car s'il n'a pas d'établissement industriel, elle a un marché régulier et des foires tous les mois pour les bœufs, les volailles grasses, le beurre, le fromage et les œufs. Elle est le siège d'une sous-préfecture, d'un évêché et d'un tribunal de première instance. Enfin, comme l'est Dinan aujourd'hui et comme l'était Avranches, il y a quelques années, elle est habitée par une colonie d'Anglais qui viennent y chercher un climat sain dans un beau pays et les satisfactions d'une existence plantureuse à bon marché. Mais, si le pays est riche, il n'est pas donnant. Suivant l'expression locale, quelques personnes, il est vrai, se plaignent parfois de la lenteur et de la difficulté des communications, mais elles ne sont pas écoutées. Est-ce que tout le monde ne sait pas que les chemins de fer font augmenter le prix des vivres? Avec les chemins de fer, on se déplace volontiers. On va à Paris, on y fait des acquisitions, et c'est autant de perdu pour le pays. D'un côté, augmentation des denrées, d'un autre, affaiblissement ou perturbation dans le commerce local. Les chemins de fer n'ont donc pas tous les avantages qu'on leur attribue. Il peut être sage de s'en passer. Au moins, c'est l'opinion de Condé-le-Châtel, qui se contente très bien des diligences et des omnibus. Le jour où commence ce récit, la diligence qui met Condé en communication avec le chemin de fer était en retard. Elle devait arriver vers 5 heures, et bien que 6 heures eussent sonné depuis quelques minutes, elle n'était point encore là. Déjà, à plusieurs reprises, une dame s'était présentée au bureau, mais à ses questions on avait toujours fait la même réponse. La voiture peut arriver d'un moment à l'autre. Cependant, le train d'hier avait 50 minutes de retard et celui d'avant-hier en avait 45. Et chaque fois la dame, au lieu de rester dans le bureau, était entrée dans l'église Saint-Étienne. C'était une femme d'une 50aine d'années environ, de tournure agile et vive, bien qu'elle marchât en glissant les pieds à petits pas. Sa toilette noire était d'une extrême simplicité pour l'étoffe aussi bien que pour la coupe. Robe de mérinos noire, plutôt courte que longue. Manteau de même étoffe, sans un seul ornement. Chapeau de dentelle noire, avec voile de tulle. Gants de laine, souliers en veau. Quant au bas, bien malin eût été celui qui eût pu dire, pour les avoir vus, s'ils étaient blancs ou noirs. Car dans la marche, le bout seul du soulier dépassait la robe, et encore de bien peu. La place Saint-Étienne est, avec celle du château, la plus importante de la ville. Si la place du château a le tribunal et la mairie installés tant bien que mal dans le vieux château qui a donné son nom à la ville, la place Saint-Étienne, par contre, possède la cathédrale et montre les plus beaux magasins de nouveautés et de bijouterie, les deux cafés les plus luxueux, les deux cercles rivaux, enfin le bureau des diligences et de la correspondance du chemin de fer qui, en ces dernières années, a abandonné l'hôtel du Bœuf couronné où il était trop à l'étroit. Cette réunion, dans un espace assez resserré, de l'église, des cafés, des cercles, des principaux magasins et du bureau des voitures, donne à la place Saint-Étienne une animation qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans la ville. Le matin, les gens religieux, et ils sont nombreux à Condé, vont à l'église. Entre 11 heures et midi, les cafés commencent à se remplir. À 2 heures, on va au cercle. Puis, avant le dîner, on retourne au café pour lire les journaux qui arrivent de Paris. Le retard dans l'arrivée de la voiture de la correspondance du chemin de fer, qui apportait les journaux, faisait que les clients des cafés qui ne jouaient pas aux cartes ou aux dominos tâchaient de tuer le temps en bavardant, et tout naturellement, les allées venues de la dame à la toilette noire donnaient un sujet à leur entretien. Une femme qui attend une voiture, cela pique la curiosité, alors même que cette femme a dépassé la 50aine. Autour des tables placées devant les cafés, à l'ombre des petits arbres verts taillés en cône, c'était de cette femme et d'elle seule qu'il était question. « Je voudrais bien savoir ce que Madame Prêt-à-Boine attend. » La voiture, parle. C'est peut-être de l'argent. Ne dites pas de bêtises. Voulez-vous m'expliquer en quoi c'est une bêtise de supposer que Madame Prêt-à-Boine peut attendre de l'argent? Elle n'est pas si riche pour cela. C'est tout le contraire, elle est trop riche. Vous savez, mon cher, que quand on lâche des paroles de cette profondeur, il est bon de les expliquer au commun des mortels qui n'ont pas des grâces spéciales pour comprendre le galimatias. Comment, sacrebleu, vous en êtes encore à ignorer de quelle façon Madame Prêt-à-Boine administre sa fortune? C'est cependant bien simple. Quand, après la mort de son mari, elle a cédé la direction de la banque des campagnes, elle s'est trouvée à la tête d'un beau capital. Combien? Cela, je n'en sais rien, et je crois bien que personne n'est fixé à ce sujet. Il y en a qui disent que ce capital n'est pas ce qu'on imagine. Il y a tant de gens qui imaginent des bêtises. Mais enfin, il y a une chose positive et notoire, c'est que Prêt-à-Boine, en mourant, a laissé une belle fortune, gagnée par sa femme, et par lui, et par l'abbé Guillemite. Ce n'est pas l'abbé Guillemite qui a commencé leur fortune. Non, mais c'est lui qui l'a achevé en ayant l'idée de la banque des campagnes et en donnant pour courtier à celle-ci un tas de curés et de membres du clergé, qui se remuent comme des diables dans un bénitier pour gagner les 2% qu'on leur alloue sur le montant des affaires qu'ils procurent à la banque. Ce n'est pas l'abbé Guillemite qui a inventé ce système, il paraît qu'il y a longtemps qu'il se pratique en Belgique. En tout cas, c'est lui qui l'a importé en France et qui l'a perfectionné. Sans la banque des campagnes, qui faisait ses échéances, il y a longtemps qu'il aurait été mis en faillite. Ce qui prouve que ce sont les Prêt-à-Boine qui ont été utiles à l'abbé Guillemite. C'est vrai, mais cela n'empêche pas que l'abbé Guillemite ait été utile aux Prêt-à-Boine. C'est un échange de services. Ce que vous nous racontez là, c'est le mystère de la Trinité. Justement, trois personnes dans une seule tête. Et la tête, c'était Madame Prêt-à-Boine. Alors, qu'est-ce qu'était l'abbé Guillemite? Ne dites pas de drôleries. On peut raconter bien des choses sur l'abbé Guillemite. C'est un faiseur, un banquiste, un homme d'affaires trop malin, tout ce que vous voudrez. Mais quant à ses mœurs, on n'a jamais pu mordre sur elle, et Dieu sait si on a essayé, et si ses confrères eux-mêmes ont cherché. Il est trop fort et trop habile pour se laisser prendre là. Très bien, bravo. Vous qui recommandez aux autres de ne pas dire de drôleries. Je dis qu'il n'y a jamais eu d'histoire de femme à raconter sur le compte de l'abbé Guillemite. Pas plus à propos de Madame Prêt-à-Boine que de tout autre. Voilà tout. Maintenant, quant à venir prétendre que c'est l'abbé Guillemite qui est l'auteur et le seul auteur de la fortune des Prêt-à-Boine, ce n'est pas plus juste. Moi qui vous parle, j'ai connu Prêt-à-Boine, clerc d'huissier à Condé. Nous étions du même âge. De Condé, il a été s'établir à Annebeau, agent d'assurance contre l'incendie et de remplacement militaire. C'est là qu'il a connu et épousé sa femme, qui vivait avec sa mère des maigres bénéfices que leur procurait une petite boutique de mercerie. Il y a 33 ans de cela. Prêt-à-Boine avait 28 ans, sa femme en avait 19. Dame, ils n'étaient guère riches alors, mais ils étaient tous deux actifs, intelligents, durs à la peine, économes, avides de gagner, et on peut dire qu'ils avaient l'instinct des affaires, la femme aussi bien que le mari. Mieux? Ça m'est égal. Quand Annebeau a commencé à devenir une ville industrielle, Prêt-à-Boine a fondé un petit comptoir pour les recouvrements, bien petit, je vous assure. Puis, quand le pays a prospéré, les Prêt-à-Boine ont fait comme le pays. Après, le comptoir d'escompte est venu une maison de banque, puis à côté une caisse d'exonération militaire et une assurance contre l'incendie. Tout cela existait et marchait à merveille avant l'arrivée de l'abbé Guillemite à Annebeau. Vous voyez donc bien que ce n'est pas lui qui a commencé cette fortune, c'est plus tard seulement qu'il est intervenu. Comment cela? Il faut que vous sachiez que Madame Prêt-à-Boine a toujours été dévote, mais dévote de profession, c'est-à-dire aimant la soutane encore plus que l'Église, et s'entourant de curés qu'elle attirait chez elle par la bonne chère et la flatterie. Mais cela en tout bien, en tout honneur. S'il avait un goût naturel pour tout ce qui portait la soutane, elle calculait aussi, et d'autre part les avantages qu'on trouve à être protégé par le clergé. Elle avait donc choisi dans le clergé, pour directeur de sa conscience et de ses affaires, celui des curés des environs qu'elle jugeait le plus habile et le plus fort. C'était l'abbé Lobligeois, le curé de Rougemart. Précisément, déjà curé de Rougemart à cette époque, et resté curé de Rougemart. Comment l'abbé Guillemite démolit l'abbé Lobligeois, je ne le sais pas au juste. Mais il arriva un beau jour où l'abbé Guillemite, qui s'était révélé comme un homme de premier ordre, passé maître en affaires, prit la place dans la maison Prêt-à-Boine de l'abbé Lobligeois, congédié comme un employé incapable. Ce fut alors que commença leur association et que l'aisance des Prêt-Avoine devint une fortune. Tout cela ne nous apprend pas comment Madame Prêt-Avoine est trop riche pour attendre de l'argent par la diligence. Non, mais au moins cela vous apprend que Madame Prêt-Avoine est femme à savoir faire travailler l'argent. Pendant tout le temps qu'elle a eu sa maison de banque, c'est elle qui en a été l'âme. Excepté les heures qu'elle donnait aux églises et aux curés, et ce n'étaient pas des heures perdues, on la trouvait dans son bureau, surveillant tout, dirigeant tout. Quand elle a cédé cette maison, elle n'a pas pour cela renoncé aux affaires. Seulement, elle n'a plus d'argent chez elle. Sa fortune est à Paris, et c'est là qu'elle l'emploie en escompte, en report, sans que jamais un billet de banque ou un rouleau de louis lui passe par les mains. Elle opère par correspondance, et sans avoir besoin de commis, sans payer patente, sans que personne mette le nez dans ses affaires, avec un petit livre de compte qui tient dans sa poche, elle fait rendre sa fortune de gros bénéfices. Alors, si elle n'attend pas d'argent, elle attend quelqu'un. C'est probable. Et quelqu'un qui doit être un personnage, car elle laisse paraître trop d'impatience pour que ce puisse être le premier venu. C'est quelque curé, quelque moine. Ça, c'est possible. Car vous pensez bien que si, après la mort de son mari, elle a quitté Annebault, où elle avait toujours vécu, pour venir habiter Condé, ce n'est pas seulement en vue de changer d'air. Et selon vous, qu'est-ce qu'elle est venue faire chez nous? Bien malin serait celui qui pourrait le dire d'une manière certaine. Madame Prêt-Avoine n'est pas une femme qui compte ses affaires à tout le monde. J'entendais dire l'autre jour qu'elle travaillait pour l'abbé Guillemite afin de le faire nommer évêque. Monseigneur Hyacinthe n'est pas mort. On prend ses précautions à l'avance pour le jour où il disparaîtra. Et il paraît que c'est le vicaire général qui le remplacera. Mais ce fichon, jamais de la vie. C'est déjà lui qui devait remplacer le dernier évêque, et il est resté vicaire général. Enfin, pour en revenir à Madame Prêt-Avoine, il y a un fait certain, c'est qu'elle manœuvre dans le monde du clergé en vue d'un intérêt considérable. Quel est cet intérêt? Je ne me charge pas de le deviner. Seulement, la connaissant comme je la connais, et la voyant, malgré son avarice, acheter 200 000 francs l'hôtel du comte de Flancourt, je me dis, il y a quelque chose, il faudra voir. On dit qu'elle a dépensé plus de 100 000 francs en réparation et en mobilier. Ça ne m'étonne pas. Elle ne reçoit que des prêtres, cependant. Et ce n'est pas la peine de se mettre en frais pour ces gens-là. S'ils savent ce qui est bon, ils ne savent pas ce qui est beau. Elle va peut-être maintenant recevoir d'autres personnes qu'elle attend. Et si c'était tout simplement une de ses filles? Si c'était une de ses filles, elle ne se serait pas dérangée. Parce que ses filles ne tiennent pas une grande place dans son existence. Vous savez, ce n'est pas une femme que le sentiment entraîne. Elle a marié ses filles, elle les a bien mariées à des gens qui tiennent plus ou moins au monde cléricale, c'est fini. Ah, si vous parliez de son fils, je ne dirais pas non. Aurélien, c'est une autre affaire. Celui-là, c'est l'espoir de sa mère. Elle a mis son ambition en lui. Et vous pensez bien que l'ambition d'une femme comme Madame Prêt-Avoine vise haut et loin. Il est à Louvain. Il peut en revenir. C'est égal. Je trouve étonnant que Madame Prêt-Avoine, si elle aime son fils, comme vous dites qu'elle l'aime, l'ait envoyé en Belgique. Il n'y avait donc pas en France, à Caen, à Rennes, à Paris, d'université digne de ce monsieur? Non. À Caen, à Rennes, à Paris, il n'eût pas été instruit dans les idées qui sont chères à sa mère. J'ai causé avec Aurélien la dernière fois qu'il est venu, et je vous assure que le droit, tel qu'on l'enseigne à Louvain, ne ressemble pas au droit tel qu'on l'enseigne en France. Pour les catholiques, tout pouvoir descend de Dieu. On doit donc faire remonter le droit à sa véritable origine, qui est Dieu, d'où il s'ensuit qu'une législation est d'autant plus parfaite qu'elle se rapproche davantage de la loi divine. En partant de ces principes, vous comprenez comment on arrange notre code civil. Ou, bien entendu, on le respecte. Seulement, on fait remarquer que le titre du mariage n'est pas en rapport avec la loi de Dieu, qu'une loi de succession gagnerait à être modifiée, que les lois sur les associations apportent des entraves fâcheuses aux biens religieux. Voilà un enseignement qui doit faire de fameux citoyens. Madame Prêt-Avoine ne désire pas qu'on fasse de son fils un fameux citoyen. Ceux qui la dirigent lui ont dit qu'à Louvain, on ferait de son fils un parfait catholique. Elle l'a envoyé à Louvain. De plus, on lui dit encore qu'à Louvain, Aurélien aurait pour camarade une 50aine de jeunes gens appartenant à l'aristocratie étrangère la plus haute et la plus pure, et cela seul aurait suffi pour la déterminer, car elle a la passion, la religion de l'aristocratie. Pour elle, un comte, un marquis, un duc sont des dieux devant lesquels elle se prosterne. Un bruit de ferraille, faible d'abord, mais qui grandit bien vite, interrompit ses conversations. Une batterie de coups de fouet fit trembler les vitres. C'était la diligence qui arrivait. « 1h30 de retard !» dit une voix. « Voilà les chemins de fer. Il faudra voir si nous ne pourrions pas faire un procès à l'administration. »